Je crois, oui, je crois qu'un jour, ton jour, ô mon Dieu, je m'avancerai vers toi avec mes pas titubants, avec toutes mes larmes dans mes mains et ce cœur merveilleux que tu nous as donné, ce cœur trop grand pour nous puisqu'il est fait pour toi. Un jour, je viendrai et tu liras sur mon visage toute la détresse, tous les combats, tous les échecs des chemins de la liberté. Et tu verras mon péché. Mais je sais, ô mon Dieu, que ce n'est pas grave le péché quand on est devant toi, car c'est devant les hommes que l'on est humilié. Mais devant toi, c'est merveilleux d'être si pauvre, puisqu'on est tant aimé. Un jour, ton jour, ô mon Dieu, je viendrai vers toi. Et dans la véritable explosion de ma résurrection, je saurai enfin que la tendresse, c'est toi, que ma liberté, c'est encore toi. Je viendrai vers toi, ô mon Dieu, et tu me donneras ton visage. Je viendrai vers toi avec mon rêve le plus fou, t'apporter le monde dans mes bras. Je viendrai vers toi et je te crierai à pleine voix toute la vérité de la vie sur la terre. Je te crierai mon cri qui vient du fond des âges. Père, j'ai tenté d'être un homme et je suis ton enfant.